La lecture du journal, extrait des Petits Contes Alsaciens, écrit par Jules Girardin, lu par Armen, pour audiocité.net. La baie de la fenêtre ouverte découpait un pan de ciel d'un bleu pur et profond, sur lequel passaient des nuages légers comme des flocons de soie. Une petite brise, toute parfumée de l'odeur des trèfles en fleurs, faisait bruire les feuilles de la vigne qui encadraient la fenêtre. Les violettes frissonnaient dans le grand pot de terre brune. Assise sur un banc de bois bien poli, Margrethe filait, et tout en filant, elle songeait. Elle songeait au temps où il faisait si bon vivre au village, où ce beau soleil aurait mis toutes les bonnes gens en joie, comme il met les abeilles en rumeur, où l'on voyait des figures épanouies aux portes de toutes les maisons, où l'on entendait les chansons du vieux temps par toutes les fenêtres ouvertes, où l'on valsait de si grands cœurs dans la cour de l'ours noir. Hélas, les abeilles sont toujours affairées et joyeuses, mais le pauvre village, comme le voilà morne et silencieux. Plusieurs maisons sont fermées, comme si les gens étaient morts. Et chose plus triste encore, on voit aux portes de plusieurs autres des figures étrangères au pays. Les deux garçons du maréchal Ferrand qui frappaient l'enclume de si bon cœur, on les entendait d'une lieue, et qui, le soir, faisaient jaillir de si belles étincelles jusqu'au milieu de la rue, les voilà partis. Ils étaient en âge d'être soldats, songez donc. Le vieux père fume sa pipe au soleil, la tête penchée, les deux mains derrière le dos. La forge d'ici paraît morne et triste. Le fils du père Hauser, ce grand blond qui avait toujours le mot pour rire, il est parti. Le père Hauser se dispose à le suivre. Ah, qu'un village est triste quand il n'y reste plus que des vieillards, des femmes et des infirmes. « Bonjour, Margrethe !» cria une voix de la rue. C'était la propre voix du père Hauser, et le tricorne du père Hauser s'encadra dans la fenêtre, et le gilet à mille boutons du père Hauser s'appuya contre le mur, et les deux coudes du père Hauser se posèrent sur le rebord de la fenêtre. « Ton père n'est pas là, ma bonne fille ?»« Non, monsieur Hauser. Mais cela ne vous empêchera pas d'entrer, vous reposer et vous rafraîchir, car vous avez chaud et vous paraissez fatigué. »« Fatigué, oui, » répondit le père Hauser en ôtant son tricorne et en s'essuyant le front avec son mouchoir. « Je viens de loin, ma petite. Je viens des hauteurs, là-bas, d'où l'on voit 7 lieues de pays. » Et je ne sais plus combien de clochers. Je voulais voir tout cela une dernière fois avant de partir. Je l'ai vu, je l'ai vu, ajouta-t-il avec un hochement de tête mélancolique. Sur le moment, j'ai cru que mon cœur n'y résisterait pas, et je regrettais d'y être allé. Mais maintenant, je crois que j'ai bien fait, et je ne donnerai pas pour un trésor le souvenir que j'emporte. « Peut-on s'attacher tant que cela à des choses qui ne sont pas vivantes ?»« Non, Gretel, je n'entre pas. J'ai encore trop de choses à faire et j'ai avancé mon départ. Je tiens de Kaufmann, l'aubergiste, qu'on fera dans 2 jours l'exercice presque devant ma porte. Je ne pourrai pas voir cela. Non, je ne le pourrai pas. Tiens, tu donneras cela à ton père. » Cela, c'était un journal français. Je ne jurerai pas qu'il y a 3 ans seulement, le père Hauser fut bien en état, même à grand renfort de bésicle, de lire un journal français. Je ne crois pas, surtout, qu'il s'en fût soucié beaucoup. Sa curiosité n'allait pas plus loin que le messager boiteux et, encore, les jours de pluie. Mais depuis 3 ans, les choses ont bien changé et les sentiments aussi. Le cher homme reçoit maintenant un journal français pour savoir ce qui se passe en France. Ce journal fait le tour du village. On le lit tout haut à ceux qui ne savent pas lire. Que voulez-vous ? On se rattache à la France par tous les liens qu'on peut. « Dites-moi, monsieur Hauser, » demanda timidement Margrethe, « que marque-t-il cette fois sur ce journal ?»« Tu peux le lire, ma bonne fille. »« Oui, tu peux le lire, » ajouta le père Hauser après un moment de réflexion. « Il y a là beaucoup de bonnes choses. »« Ah, on aime nos pauvres enfants là-bas. On les aide, en attendant mieux. » « Et vois-tu, c'est vrai tout ce qu'il marque, car mon Casper m'écrit de Paris les mêmes choses que tu verras là. C'est vraiment une bénédiction dans notre misère. Enfin !» Et il partit en poussant un gros soupir. Quand le père Hauser fut parti, Margrethe se mit à lire le journal. Elle passait les belles phrases et les grandes théories, vu qu'elle n'y entendait rien. Mais les coins de sa bouche s'abaissèrent comme si elle allait pleurer quand elle vit de ses yeux comment on parlait en France de la chère Alsace et des chers Alsaciens. Mais son cœur se gonfla comme si elle allait éclater en sanglots quand elle lut au bas d'une page les noms de ceux qui allaient s'embarquer au Havre pour passer en Amérique. « Pauvre, pauvre Jean, » dit-elle. C'est pourtant bien dur d'aller si loin pour gagner sa vie. Puis elle songea qu'elle irait volontiers elle-même plus loin que l'Amérique pour ne pas vivre où elle vivait, pour ne pas voir ce qu'elle voyait tous les jours. Mais ses parents étaient trop âgés pour quitter leur maison et ils avaient besoin d'elle. En ce moment, la terre durcie résonna lourdement sous les pas cadencés d'une troupe en marche. Des tambours se mirent à battre, accompagnés du cri aigu des fifres. Margrethe ferma vivement la fenêtre et se cacha la tête dans ses mains pour ne pas entendre. Mais elle avait beau faire, elle entendait. De grosses larmes coulaient entre ses doigts. Il lui semblait que son cœur se fondait dans sa poitrine. Heureusement, la jeunesse est forte et riche d'espérance. Quand elle eut longtemps pleuré, il lui sembla que son cœur était plus léger. Quand elle eut songé aux devoirs qu'elle avait à remplir, il lui sembla que son cœur était plus vaillant. Alors elle se rappela les paroles que monsieur le curé Klipfel avait prononcées la dernière fois qu'il était monté en chaire avant de s'expatrier. Dieu est partout, et il est partout le maître. Il est plus puissant que les rois et les empereurs de ce monde. D'un souffle, quand il lui plaît, il détruit l'œuvre de leurs mains. C'est en lui qu'est notre espoir, et nous n'espérons pas en vain. Margrethe essuya ses yeux et se mit à filer. « Qui sait ? Qui sait ? » murmurait-elle en écoutant d'une oreille distraite le ronflement monotone de son rouet. Quand son père rentra, le pauvre bonhomme fut tout réjoui de lui voir ce joli sourire sur les lèvres.